Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Cinquième partie, chapitre 5. Ils revenaient, les Islandais. 2 la seconde journée, 4 le surlendemain, et puis 12 la semaine suivante. Et dans le pays, la joie revenait avec eux, et c'était fête chez les épouses, chez les mères. Fête aussi dans les cabarets, où les belles filles pimpolaises servent à boire aux pêcheurs. Le Léopoldine restait du groupe des retardataires. Il en manquait encore 10. Cela ne pouvait tarder, et Go, à l'idée que dans un délai extrême de 8 jours qu'elle se donnait pour ne pas avoir de déception, Yann serait là, Go était dans une délicieuse ivresse d'attente, tenant le ménage bien en ordre, bien propre et bien net pour le recevoir. Tout rangé, il ne lui restait rien à faire, et d'ailleurs, elle commençait à n'avoir plus la tête à grand-chose dans son impatience. 3 des retardataires arrivèrent encore, et puis 5. 2 seulement manquaient toujours à l'appel. « Allons, lui disait-on en riant, cette année, c'est la Léopoldine ou la Marie-Jeanne qui ramasseront les balais du retour. » Ego se mettait à rire, elle aussi, plus animée, plus jolie, dans sa joie de l'attendre.